Édition d'avril 2013. Bonjour et bienvenue à la sixième émission de la série 2 du podcast des Éditions de l'Avenir. Christian Martin au microphone. Ce mois-ci, outre les segments habituels de l'émission, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Armen, un des piliers chez Audiocité. Entrevue que je vous présenterai un peu plus tard. Mais avant tout, l'anecdote humoristique d'Aristide Filiatreault. Tirée de contes, anecdotes et récits canadiens d'Aristide Filiatreault, les éditions de l'Avenir présentent Les mots qui restent. En cours supérieure, un avocat de Montréal, bien connu par ses expressions pittoresques, s'adresse au président du tribunal. C'était une cause au sujet de la pension d'un cheval de trait qui mangeait au râtelier depuis plusieurs mois à ne rien faire. Croyez-vous en bonne foi, votre honneur, que nous allons garder ce cheval les deux bras croisés dans notre écurie beaucoup plus longtemps? Ce serait absurde. Je rappelle qu'Aristide Filiatreault est un écrivain québécois, né à Sainte-Thérèse de Blainville le 21 septembre 1851 et décédé le 4 décembre 1913. Il était également typographe et journaliste. Voyons un peu ce que nous a préparé Jean Seb pour sa capsule. Merci Christian, ici Jean Seb et je vous souhaite la bienvenue pour la capsule nouveauté du podcast audio des Éditions de l'Avenir. Bulletin qui vous informe sur les nouveautés francophones et, si possible, québécoises de l'univers audiophonique disponible sur le net. Je désire d'abord vous faire part d'une initiative que je trouve extrêmement intéressante. Il s'agit du système BIRSI, B-I-R-S-I, qui nous est présenté par Bélisère House. Et BIRSI veut dire Bélisère International Radio Serial Information. Ça a été lancé tout juste en décembre 2012, donc c'est quand même assez récent. Et tout comme pour les films, les jeux vidéo, il est intéressant de savoir ce que contient une production. Alors, leur système permet de savoir si l'épisode contient des scènes d'un langage vulgaire, s'il s'adresse à un public de 10 ans et moins, de 12 ans et moins, de 16 ans et moins, 18 ans et plus, ça peut arriver. Alors, grâce à un petit pictogramme qu'on peut rajouter dans la description de l'épisode, ainsi, moi j'ai ma fille de 10 ans qui me demande parfois pour avoir des audios, et puis bon, je suis obligé de les écouter, je suis obligé de regarder si ça correspond à son âge, savoir s'il y a du langage vulgaire, si ça parle trop de drogue, si ça... Bon, enfin, vous comprenez l'idée. Donc, le système BIRSI nous permettrait, si utilisé, de savoir ce que contient une saga rapidement. Du côté de Netophonix, une chose que j'aurais aimé avoir, c'est savoir quelles sont les sagas qui sont complétées. Quand on va dans le forum et puis qu'on fait la liste de toutes les sagas, on les voit, mais on peut pas savoir lesquelles qui sont terminées, lesquelles ont été abandonnées. Parfois, si on soumet certains audios, c'est pas tout le monde qui va être intéressé à écouter des séries qui sont incomplètes, donc ou d'être obligé d'aller les rechercher par la suite. Alors, c'est un petit plus que j'aurais aimé avoir chez Netophonix. Pour une belle découverte en passant que j'ai fait, Il s'agit du podcast Rétrosphère. Ça paraît à toutes les deux semaines chez Synapse Live. On peut le retrouver aussi sur iTunes très facilement. Il s'agit donc de Baril, Orin, Dr. Wolf et Alsag qui repassent à chaque deux semaines les nouveautés qui ont paru chez Netophonics. Et je dois vous dire que je suis incapable de rivaliser avec eux du côté description. Ils ont une analyse extrêmement poussée de toutes les sagas. C'est vraiment fantastique. Ils touchent autant les aspects du jeu des acteurs, de l'histoire, la trame sonore, les effets sonores qui sont utilisés. Et ils sont très francs, ils sont très dynamiques, très allumés. Je vous le dis, c'est vraiment à ne pas manquer. Ils ne semblent faire que des rétrospectives sur Netophonics, mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le détour. Allez-y, ça s'appelle Rétrosphère. Pour cette capsule, étant donné que j'ai découvert Rétrosphère, je délaisserai un petit peu Netophonics. Je me suis plutôt dirigé du côté du site d'hébergement Audio Dramax. C'est beaucoup moins prolifique que Netophonics, je vous en fais part. Cependant, les productions sont extrêmement professionnelles, parfaitement lichées. La grande majorité des sagas sont gratuites. À part peut-être quelques petites exceptions, ils sont tous gratuits, très facilement téléchargeables. Pour ma part, je les ai tous, écoutés rapidement, mais il y en a pour qui, j'ai fait vraiment une écoute complète. En tout premier lieu, Eden Sacrifice. C'est la quatrième saison de la saga Eden. Il est à noter que la saison 4, vous pouvez l'écouter sans avoir écouté les trois premières saisons. Concernant les trois premières saisons de Eden, veuillez noter que c'est 2 heures d'épisode pour chaque saison. Vraiment très bien fait. Je vais vous lire le synopsis ici. En regard de Eden, on dit que c'est un véritable voyage à travers l'espace et le temps. Ce sont des épisodes courts d'une durée d'environ 5 minutes jouant sur les rythmes, les cliffhangers et autres figures de style. Eden suit le parcours d'une jeune étudiante, soit Hélène Fraîche, qui se réveille après 8000 ans de cryogénisation, soit après une expérience qui devait à l'origine durer 3 jours, et elle se retrouve dans un univers où l'humanité n'a plus sa place. Bataille spatiale, extraterrestre en tout genre, fuite éperdue à travers le temps et l'espace, une véritable épopée décomposée en 3 saisons, de 25 épisodes chacune. Une excellente saga spatiale à ne pas manquer, c'est un bijou et c'est un bonheur à écouter, ça se suit très bien, malgré le fait que ce soit très long. En regard de Eden Sacrifice, donc la 4e saison, ce sont des nouvelles aventures dans l'univers d'Eden. On retrouve le capitaine de l'île, le dernier humain de la galaxie. On est rendu à l'épisode 9, à raison de 1 épisode par semaine. Donc ça déboule quand même, c'est très léché encore une fois. Concernant Eden Sacrifice, on dit dans le synopsis, « Dans une galaxie en reconstruction, le capitaine Delis, dernier homme vivant, survit en tant que convoyeur. Sur Citen, une nouvelle mission lui a été confiée par le grand Omega, caïd local, amener des armes sur la planète Hadès. Mais un jeune Néphil décide de s'inviter à bord du Belbet System pour une raison bien particulière, sauver le capitaine d'un danger proche. » Allez-y, c'est sans gêne. La seconde saga que je me suis écouté en entier, La Ligne. C'est un feuilleton qui a été créé en 2003 et selon même les descriptions, on dit que ça souffre de certaines approximations dans la technique comme dans le jeu. Mais il semble que plusieurs personnes aient demandé à avoir cette saga-là. Synopsis de la saga. Bienvenue au 31e siècle. Un vol à New York, un suicide à Paris et une ancienne agent de secteur qui vivait dans les plus bas-fonds de la cité et que l'on force à reprendre son activité au sein de la police malgré un passé sulfureux. Tout juste réintégré, Mara Ibanez se voit attribuer un jeune équipier du nom d'Alex Melkan pour enquêter sur ces 2 affaires profondément liées. Dans un Paris tentaculaire où les émeutes étudiantes ébranlent un régime technocratique, elle essaie de découvrir pourquoi des extraterrestres et Haken reviennent sur Terre après des années de silence. Et avec eux, cette mystérieuse croyance, la ligne. Au fil de sa recherche, elle va découvrir l'inavouable, car l'humanité est confrontée à une pandémie susceptible de l'éradiquer. Alors, c'est une saga qui se passe en 4 actes. Ça nous fait un total de 85 fichiers, et ça fait tout de même 8 heures d'écoute. Il est à noter que la saga, elle est complète. Vous pouvez l'écouter, aucun problème, très facilement téléchargeable. Un petit peu long, mais disons que de ce côté-là, j'aurais peut-être aimé ça avoir des fichiers zippés. Habitude que j'apprécie beaucoup lorsqu'il s'agit de grandes sagas, d'avoir des saisons ou des groupements d'épisodes qui sont zippés ensemble. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, pas obligé de trier les fichiers. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était très bien joué, c'est quand même assez relax, ça suit très bien. Un autre bonheur. Pour la suite, j'ai Chimera. Il s'agit d'une saga mélangeant science-fiction et policier. Chimera vous amène donc aux côtés de personnages tous issus de milieux différents, mais se battant tous contre un seul et même ennemi, les Chimères, sorte d'expérience biotech où les hommes sont transformés en créatures métalliques dénuées de bon sens et ne pensant qu'à une chose, se nourrir. Chimera est donc une saga assez courte, éditée en 2011. Ça contient 5 épisodes, 22 minutes au total. C'est du bonbon. La dernière production pour laquelle je vais vous parler dans cette série, au sujet du site de Audiodramax, il s'agit de Poseidon. C'est absolument flippant. C'est assez sombre. Le synopsis est très court. Privé de contact avec la surface, le docteur Ambrosia guide la faune des profondeurs en dehors des zones mortes depuis la station sous-marine Poseidon. C'est absolument très bien fait. C'est totalement flippant. L'univers sonore est d'une richesse inégalée, selon moi. Il s'agit donc d'un homme qui est tout seul dans un sous-marin et ce qu'on entend, c'est son journal d'abord. Où est-ce qu'il n'a aucun contact avec la Terre, il ne sait pas ce qui se passe sur Terre. C'est très prenant et on suit ses péripéties. Il s'agit souvent de liens vers le passé, mais on retrouve donc dans ses journaux ce qu'il vit, les angoisses qu'il a, les problèmes techniques auxquels il fait face. J'ai pas noté la durée des épisodes, mais il s'agit de 15 épisodes plus un épilogue. Si vous voulez découvrir quelque chose de vraiment angoissant, Poseidon est pour vous. Petite bulle rapide, mes nouvelles à moi. Je suis arrivé enfin en scène. Je fais partie de la distribution de La Breluche Dorée, qui a été écrite par l'éminent Walter Proof, qu'on peut écouter à l'inaudible. Vous pouvez aussi retrouver des épisodes de la saga sur Netophonic. Nous sommes rendus à l'épisode 9, et pour ma part, je joue le rôle du professeur Glutamate. Un professeur totalement psychopathe, déjanté. Rétrosphère nous ont fait une critique assez sévère, mais ne nous déconseille pas, donc c'est bon signe. Nous sommes environ une vingtaine sur la distribution de La Breluche. Allez écouter mon rire, je ne le vous le fais pas ici. Allez vous amuser, La Breluche Dorée. Je me fais beaucoup de fun à interpréter le professeur Glutamate. Si vous avez des commentaires à faire concernant ma capsule, ne vous gênez pas, jsamel99@gmail.com. Que vous vouliez faire mousser votre saga, que vous vouliez qu'on fasse un petit projet ensemble, si vous désirez quoi que ce soit, jsamel99@gmail.com. Voilà qui conclut ma capsule nouveauté du podcast audio des éditions de l'avenir. Et on reprend ça le mois prochain. Au revoir. À vous, Christian. Merci, Jean-Seb. La musique utilisée dans ces capsules provient de incopetech.com et est composée par Kevin MacLeod. Tous les sites mentionnés apparaîtront dans le billet de présentation sur le blog du podcast. Et maintenant, place à Mazas Pavel, les arènes d'Aubioche. Le mois dernier, alors que ses amis s'apprêtaient à être jetés dans l'arène pour affronter un monstre préhistorique, Mazas préparait des pièges pour les chasseurs lancés à ses trousses. Nous en étions à la deuxième partie du chapitre 5. Chapitre 5, deuxième partie. « Melbar Kazam cligna des yeux en pénétrant dans l'arène baignée de soleil. Il s'effaça de la porte pour permettre à Carlo Dobar de le rejoindre. L'Austernien s'arrêta à ses côtés, en faisant tournoyer avec délectation l'espèce de lourde masse d'armes qui venait de lui être remise. Visiblement, la situation, si périlleuse fut-elle pour eux, avait le don de le mettre en joie. L'Étrusien lui jeta un regard amusé. Il se dit qu'il était bien content de faire équipe avec lui et que leurs forces réunies ne seraient pas de trop pour tenir tête à un brachiosaure qui leur était promis, si la bête tenait toutes les promesses qui leur avaient été vantées par leurs compagnons de prison. Puis, il repensa des conditions semblables qu'il avait déjà connues une trentaine d'années plus tôt lorsqu'il avait combattu dans une arène. C'était à l'époque de la course aux activateurs cellulaires, disséminée un peu partout dans la galaxie par l'immortel. Mais cette fois-ci, son minuscule ami, l'ennemi d'Angers, n'était pas là pour lui porter assistance. Les deux adaptés se mirent en marche d'un pas tranquille avant de s'arrêter au centre de l'amphithéâtre et de tourner sur eux-mêmes afin de contempler la foule qui s'entassait sur les gradins. Devant leur air de mépris, certains spectateurs se mirent à les huer. Hurlement bientôt repris par la totalité de l'assistance. Ce qui n'eut pas le moindre effet sur les deux colosses. Un battement de tambour retentit. Stoppant net les cris. Un silence de cathédrale s'abattit sur l'arène, bientôt interrompu par des sonneries de trompettes. Kazam promena son regard sur les murs entourant l'endroit où devait avoir lieu l'affrontement avec le Saurien choisi à leur attention, ce qui lui permit de voir glisser un pan de paroi et apparaître le mufle du brachiosaure. Un des mufles, plus exactement, car le charmant animal avait la particularité de posséder deux têtes, la deuxième située à un emplacement où l'on aurait plutôt eu tendance à voir une queue. Cela mis à part, il s'agissait d'un mastodonte au corps en forme de barrique, juché sur quatre pattes courtes mais musculeuses. Sa peau épaisse rappelait celle de l'éléphant terrestre, avec en revanche un nombre incalculable de plis. Et les prisonniers savaient que cela permettait au brachiosaure d'allonger son corps au point de doubler sa longueur initiale. Ce qui ajouterait du piment à la rencontre qui allait les opposer. « Il aura des difficultés à gagner un concours de beauté. » Laissa tomber l'Austernier, comme leur adversaire s'avançait prudemment sur le sol sablonneux, ébloui par la clarté ambiante. Espérons qu'il n'a pas de marche arrière. Maugréa l'Étrusien, en effectuant quelques moulinets avec la hache de guerre et le sabre qui constituaient son armement. Comme ils en avaient décidé plus tôt, les deux hommes se mirent côte à côte, Carlo à droite de Melbar, et attendirent la réaction de l'étrange animal qui approchait ses 10 tonnes avec circonspection. « Il va falloir faire très attention, car ce bestiau ne réagit absolument pas comme le sournil que nous avons vu tout à l'heure. Au lieu de foncer sur tout ce qui bouge, on dirait qu'il réfléchit avant d'attaquer. » murmura le lieutenant. « Normal, il a deux cerveaux !» rigola l'Étrusien. Si le ton employé pouvait laisser croire que l'adjoint du Lord Amiral considérait l'affaire comme une plaisanterie, il n'en était rien, et tous ses sons étaient à l'affût des moindres réactions de leur gigantesque adversaire. Celui-ci s'arrêta à 5 ou 6 mètres des deux adaptés et balança de part et d'autre sa grosse tête armée de crocs acérés, les considérant de ses 3 gros yeux globuleux, brillants de cruauté, tandis que sa réplique caudale se tournait également vers le centre de l'arène. « Attention !» souffla Kazam. « Il va sans doute s'allonger d'un seul coup. »« À toi de donner le top. Lorsqu'il attaquera, on se laissera tomber chacun d'un côté, tout en le frappant à la tête quand elle passera entre nous deux. » répliqua l'Austernier entre ses dents. Son compagnon approuva d'un grognement. La foule lançait des cris de joie, se délectant à l'avance du carnage qui allait se dérouler devant elle. Pendant quelques interminables secondes, les adversaires s'observèrent. Les pattes avant du brachiosaure commencèrent à s'agiter imperceptiblement. Gaffe! Ouais. Lorsque l'animal se détendit soudainement, il ne put surprendre les deux amis. Go! Comme un seul homme, ils se laissèrent tomber au sol, tout en moulinant de leurs poings armés en direction de la tête et du long cou qui passait au-dessus d'eux. Le choc entre les armes et le cuir épais du saurien fut d'une extrême violence, et seule la pointe de fer des deux colosses leur évita de les voir arrachés de leurs mains. Un brame de douleur et d'étonnement s'échappa des deux gueules ouvertes. Le brachiosaure reprit instantanément sa dimension initiale et ses six yeux se braquèrent sur les êtres surprenants qui lui avaient causé une souffrance inhabituelle pour lui. L'animal souffla bruyamment et un flot de sang s'échappa de sa langue tailladée et des nombreuses dents qui avaient été brisées par la hache de l'étrusien, tandis qu'un de ses yeux pendait hors de son orbite, arraché par la masse d'armes de leur stornier. Il piétina le sol avec rage, secouant la tête et crachant de la bave sanguinolente dont les gouttes étaient aussitôt absorbées par le sable. Pendant un instant, le temps suspendit son vol et un silence impressionnant régna sur l'assemblée stupéfaite. Qui étaient donc ces hommes qui, non seulement échappaient à la gueule du monstre, mais en plus parvenaient à le blesser dès les premiers instants tout en restant eux-mêmes indemnes? Cependant, le brouhaha, un moment interrompu, reprit de plus belle. Les spectateurs se mirent à parier et pour la première fois, certains se risquèrent à miser, de petites sommes bien sûr, sur les deux humains. Ces derniers s'étaient séparés et s'avançaient à présent vers le brachiosaure de part et d'autre de l'animal. Les deux têtes s'agitèrent en tous sens, tandis que le saurien suivait du regard ses adversaires. Visiblement, il était surpris d'avoir à combattre réellement, alors que, jusqu'à présent, ses venues dans l'arène s'étaient régulièrement soldées par des victoires faciles, prélude à une consommation agréable de chair fraîche. Son instinct lui souffla que son repas du jour n'allait pas être si simple à gagner, et il se mit à tourner sur lui-même, surveillant de ses cinq yeux valides les deux êtres qui s'approchaient de lui. Chapitre 5, troisième partie. Carrie Loffman poussa un gémissement de lassitude lorsque son pied se prit, pour la énième fois, dans une des racines qui affleurait le sol. Avec lourdeur, il s'affala sur le tapis végétal. Pendant une fraction de seconde, il envisagea de rester là, couché, à attendre la mort qui le poursuivait depuis plus de 2 heures. Le fringant lieutenant, responsable de la centrale de tir du Pierre-le-Grand, était au bord de l'épuisement. L'aboiement des chiens qui étaient sur ses traces lui redonna cependant un coup de fouet et il se mit à genoux, puis se redressa en s'appuyant contre le tronc de l'arbre près duquel il était tombé. Il savait qu'il allait mourir, mais pas en victime expiatoire. Il essaierait au moins de faire payer sa peau un prix non prévu par les chasseurs. Il ramassa l'espèce de gourdin qu'il s'était façonné dans un morceau de branche qui lui servait de canne, puis il entreprit d'aiguiser la partie la plus fine en la frottant sur un coin du rocher qui s'élevait à proximité. Au bout de quelques minutes, il en testa la pointe, fit une petite moue de mécontentement avant de hausser énergiquement les épaules. Après tout, s'il réussissait son coup, il importait peu que l'extrémité de son arme soit très effilée. À présent, les hurlements des molosses étaient tout proches et il entendait même les cris d'encouragement des poursuivants. Il courut sur une 60aine de mètres et revint à son point de départ. Mobilisant ses dernières forces, il se hissa dans l'arbre dont les racines l'avaient fait chuter et il s'aplatit sur une des branches, un peu dissimulé par les frondaisons. Il n'eut guère le temps d'attendre. La forêt n'était pas dense à cet endroit et il aperçut les cinq hommes qui accouraient pour la Lali, précédés de trois chiens hirsutes et hurlants qui tiraient frénétiquement sur leurs laisses. La cavalcade passa sous son refuge. Avec un sourire mauvais aux lèvres, il constata que les deux chasseurs qui ne maintenaient pas les molosses étaient un peu décrochés par rapport à leurs collègues et les suivaient à une trentaine de mètres. Ils allaient passer à l'aplomb de sa cachette. Après un dernier regard au soleil qu'il ne contemplerait plus, il se laissa tomber de son perchoir, juste dans le dos des retardataires. Avec un « d'effort », il abattit sa masse sur la nuque du plus proche, et quand son compagnon se détourna vers lui, l'air stupéfait, il lui porta un coup violent au ventre à l'aide de la partie effilée. La branche aiguë s'enfonça avec une facilité déconcertante dans le corps de son adversaire, qui poussa un long cri d'agonie. Carrie Hoffman avait brûlé ses dernières forces dans son action violente, mais c'est avec un grand calme, les jambes un peu flagellantes à la suite de ses efforts, qu'il fit face à la ruée haineuse des survivants et à l'attaque mortelle des trois chiens. Chapitre 5, quatrième partie. Dans l'arène, l'impensable venait de se produire. Le brachiosaur reculait lentement sous les assauts des deux adaptés. À de nombreuses reprises, ces deux gueules tentant vainement de happer ses adversaires insaisissables dont la vitesse d'exécution laissait les spectateurs pantois. Le fait d'être né et d'avoir grandi sur des planètes dont la pesanteur était trois ou quatre fois supérieure à la moyenne terrienne les avait non seulement dotés d'une force extraordinaire, mais aussi d'une rapidité exceptionnelle lorsqu'ils se mouvaient sous une gravité de 1G. Les deux adaptés semblaient maintenant s'amuser et ils s'encourageaient mutuellement à chaque coup qu'ils portaient. Le vernis de civilisation qui les recouvrait en temps ordinaire avait craqué et ils n'étaient plus à présent que des machines de combat impitoyables et efficaces. Touchés une fois de plus par la boule hérissée de pointe de la masse d'armes de Carlo Dobar, une de ses langues aux trois quarts tranchées par le sabre de Melbar Kazum, perdant son sang en abondance par des blessures béantes, le gigantesque saurien lança un hurlement plaintif fit demi-tour et se rua à l'abri de son enclos dont la porte était restée ouverte. Un silence stupéfait accueillit cette retraite précipitée et imprévisible au début du combat. Mais l'instant de surprise passé, des vivas s'élevèrent dans la foule. Un concert d'applaudissements et de cris d'enthousiasme salua la victoire des deux hommes, confirmant une fois de plus la versatilité des masses populaires. L'Étrusien claqua amicalement l'épaule valide de l'Oxtornier. On forme plutôt une bonne équipe, tous les deux. Cela aurait été encore un peu plus rapide si j'avais eu l'usage de mes deux abattis. Le héros, qui avait présenté le duo de combattants à son entrée dans l'amphithéâtre, réapparut, son micro à la main. Chers amis, vous venez d'assister à une première, la victoire de 12 hommes sur un brachiosaur. Ces champions seront donc les vedettes de la séance de la semaine prochaine et nous essaierons de trouver des adversaires à leur mesure. Les applaudissements redoublèrent. Carlo regarda son compagnon en secouant la tête d'un air navré. Ce sont tous des malades. Oui, il est grand temps que l'OMU vienne y mettre bon ordre. L'Oxtornier n'eut pas le loisir de poser la question qui lui était venue aux lèvres, car le monsieur loyal de ce spectacle de dégénéré reprit. Pendant que les vainqueurs prendront un repos bien mérité, nous allons enchaîner avec le combat suivant. Un mercenaire garzassier et un franc-passeur

quelle est ta situation matrimoniale? Ma situation matrimoniale? Pourquoi? Tu as un frère à marier? Je suis célibataire depuis quelques années. J'ai 4 enfants, grands maintenant, 2 filles et 2 garçons, pour ne pas faire les choses à moitié, évidemment. Tu habites quelle région? Je vis en Nord-Finistère, à Brest. Je suis née à Strasbourg, en Alsace, et je suis arrivée en Bretagne en 2006. J'avais fait une visite à mon fils qui est dans la Marine nationale en 2004, et c'est vrai qu'en découvrant la région, je suis tout bêtement tombée amoureuse. Après, diverses circonstances m'ont permis de venir vivre ici. Ah, ok. Moi, je te connais principalement pour ton implication chez Audiocité. Qu'est-ce qui t'a amené chez Audiocité? Oh, c'est tout bête. J'avais depuis longtemps entendu parler de bénévoles qui lisaient pour les non-voyants. Et l'idée d'être utile m'avait séduite. Seulement à cette époque, il fallait aller proposer ses services à l'extérieur. Et je travaillais, j'avais mes enfants dont il fallait s'occuper en rentrant le soir. Donc finalement, de toute façon, je n'avais pas le temps. Et lorsque je me suis retrouvée au chômage et que par la suite j'ai eu accès à Internet, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance d'une femme qui est devenue une amie. Et après que nous ayons parlé de bénévolat, elle m'a dit avoir trouvé un site qui permettait d'enregistrer depuis chez soi sur son PC. J'ai donc commencé à travailler pour un autre site, que j'ai quitté pour raisons personnelles, et j'ai proposé mes services à Fred d'Audiocité, qui m'a ouvert les portes de notre espace culturel. Quelles sont tes tâches, tes responsabilités chez Audiocité? Mes tâches? Je lis, bien évidemment. Mais je suis aussi modératrice. Je supprime les commentaires qui n'ont rien à voir avec les lectures, les grossièretés qui peuvent apparaître soit en commentaire, soit sur le livre d'or. Je finalise aussi la mise en ligne de certains livres audio pour quelques rares personnes réfractaires à l'informatique. Oui, ça représente beaucoup de travail tout ça. Juste le nettoyage des spams doit te demander pas mal de temps. Hein. Et maintenant, la question piège. Pourquoi nos auditeurs iraient-ils chez Audiocité? Et pourquoi pas? Plus sérieusement, je pense qu'Audiocité offre la diversité. On trouve les grands classiques sur pratiquement tous les sites audio, mais peu d'auteurs moins connus, sinon carrément méconnus. Et je pense que, comme dans une bibliothèque, il faut de la diversité afin que chacun y trouve le genre de livre qu'il aime. Oui, tu as raison. Quels sont tes projets de lecture pour Audiocité? Oh, mais j'ai plein de projets. Ah oui? Mais alors, est-ce que je réussirai à tous les mener à bien? Ça, c'est une autre histoire. C'est la question qu'on se pose tous, je pense. Et plus précisément, tu te penches sur quoi ces temps-ci? Pour le moment, j'ai 2 livres dans le style médiéval et quelques contes d'Andersen, qui sont peu connus d'ailleurs, et qui sont déjà enregistrés, mais pas encore corrigés. Et en cours d'enregistrement, un livre qui nous a été demandé assez récemment, c'est « Jacou le croquant » d'Eugène Leroy, qui est très long puisqu'il fait plus de 400 pages. Mais après tout, je lis souvent des livres qui font entre 300 et 400 pages, donc finalement, ça ne me change pas tellement. Il y a des genres que tu préfères lire à d'autres? Oui, bien sûr, et j'ai une petite préférence pour les livres d'aventure. Tiens, moi aussi. Mais j'ai besoin de changement. Je ne peux pas me cantonner à un style précis. Et puis, avec le temps, on évolue. Je m'intéresse de plus en plus à l'histoire, mais j'ai toujours trouvé que la manière dont, en général, elle est écrite est un petit peu rébarbative. Alors, je cherche plutôt ce qui peut être romancé, ou alors des livres qui soient assez courts, parce que sinon, je pense que l'auditeur se lasserait d'écouter quand même. Ouais, peut-être. Ça dépend peut-être de comment on arrive à le rendre, hein. J'ai également développé un goût pour l'histoire ces dernières années, ce qui explique d'ailleurs ma série d'enregistrements tirés du Progrès de l'Est de 1883, mais aussi celui du livre sur Samuel de Champlain. Je l'ai commencé sans savoir si ça intéresserait quelqu'un d'autre que moi. Mais si je me fie au nombre de téléchargements, Il semble avoir trouvé son auditoire. Tu aimes d'autres genres? J'aime aussi certains poèmes, avec une préférence pour les poèmes médiévaux qui racontent une épopée. Là se mêle l'histoire avec un grand H, le roman et la poésie. J'adore ça. Toutefois, je tâche quand même de penser avant tout aux auditeurs, de leur offrir évidemment de partager ce que j'aime, mais aussi de leur proposer ce à quoi peut-être ils ne pensent pas forcément, et de les emmener en découverte. Oui, oui, je comprends. Tu nous rappelles l'adresse internet d'Audiocité? Oui, www.audiocité.net. Donc, www.audiocité.net. Merci, Armen. Par ailleurs, si je ne m'abuse, tu es aussi artiste peintre, hein? Tu peux nous en parler? Ah, c'est plus difficile pour moi de parler de ma peinture. C'est en soi un moyen d'expression. Ah, OK. J'imagine que c'est un peu comme si je demandais à un parolier de parler de la parole. Pas évident. Tu as des sujets de prédilection? Non. Je vais peindre aussi bien un paysage qui m'a particulièrement touchée ou encore laisser travailler mon imagination. Il faut savoir que je fais de la photo. Je ne connais rien à la technique, mais chaque fois que je fais un cliché, c'est parce que je vois un tableau. Après, certaines vont m'inspirer, mais je peins rarement exactement ce qu'il y a sur la photo. Je peins ce que j'ai perçu en dehors de ce qui est supposé être la réalité. Donc il va y avoir une partie de cette réalité, mais aussi d'autres choses qu'il va falloir chercher sur la toile et qui ne sont pas forcément évidentes à voir. Intéressant. Ça donne le goût de voir ce que tu fais. Tu peins à l'huile? Je peins à l'huile, à l'acrylique. Il m'arrive aussi de peindre au pastel, mais ça de moins en moins souvent. Hey boy! Un temps, je peignais sur verre aussi. Waouh! Mais je préfère manier le pinceau ou le couteau sur toile. Tu mets combien de temps en moyenne pour terminer une toile? Oh, cela dépend de mon humeur, du temps, du séchage et de l'inspiration. Je peux commencer une toile avec une idée précise et soudain je réalise que ce n'est pas ce que je veux. Et là, il me faut un temps de réflexion. Ce qui fait qu'une toile à l'acrylique qui sèche vite pourra toutefois me prendre une quinzaine de jours ou plus. Une huile bien davantage, le temps de séchage étant bien plus long. Oui, oui, je comprends. Tu as un événement, un vernissage prévu pour bientôt? En collectif, oui. C'est prévu pour fin avril. Tu reviendras nous en parler, hein? Peut-on voir tes œuvres sur Internet? Oui, on peut voir mes œuvres les plus récentes, donc celles peintes depuis 2012, sur mon site du pinceau à la toile. L'adresse est peulvan.blogspot.fr. Peulvan s'écrit vent, P-E-U-L-V-A-N. Donc, du pinceau à la toile à peulvan.blogspot.fr. OK, c'est noté. Pour y être passé, c'est très réussi. As-tu d'autres activités artistiques? Non, pas pour le moment. Je n'ai guère le temps. Entre le quotidien comme tout le monde, ménage, courses, etc., les enregistrements, la peinture, il me reste juste, quand je peux encore, la photo. Et ça de moins en moins, puisque n'ayant plus de véhicule, je ne bouge plus autant qu'avant. Oui, ça nous limite pas mal d'être à pied. Hein? Y a-t-il d'autres sites internet que tu fréquentes où l'on peut te retrouver? Non, comme tout le monde, je surfe un peu sur le net, mais à part Google+, Facebook et le blog où je mets mes photos. Si, on me trouvera pour d'anciens comptes sur www.pourtoi.net, mais je crains bien que ce ne soit tout. OK, www.pourtoi.net. Ah, oui, oui, je vois, oui. C'est très coloré, le site, hein? Spécifiquement conçu pour les enfants, il me semble. Autre chose? J'avais des livres sur le site de Victoria, mais apparemment le site n'apparaît plus systématiquement. Donc bien des livres qui ont été enregistrés par diverses personnes ne sont plus accessibles. C'est vraiment dommage. Oui, en effet. Oh, attends un petit peu, là. J'y songe. Victoria utilisait archive.org comme serveur, non? On peut donc, en principe, y retrouver tous les enregistrements de son site, non? Voyons voir. Ben oui, c'est le cas. Il suffit d'inscrire dans la fenêtre de recherche d'archives.org au fil des lectures. Et on devrait pouvoir accéder aux enregistrements proprement dits de son site. Tu veux ajouter autre chose, Armin? J'espère simplement avoir pu intéresser les auditeurs et leur avoir donné envie de nous rejoindre sur Audiocité. Ah, pour ça, je n'ai aucun doute. Merci infiniment, Armin. Ce fut un grand plaisir de t'avoir avec nous. Merci à toi, Christian. Bye. Une fois de plus, merci beaucoup, Armin, de ta présence et de ta générosité. Les divers liens mentionnés apparaîtront dans le billet rédigé sur la page du podcast sur Canal Blog. Merci également à Kevin MacLeod pour la musique. Et maintenant, les infos diverses concernant la boîte. D'abord, applaudissements tonitruants. Merci, merci. J'ai à peu près terminé de monter la quatrième aventure de Mazas Pavel. Mieux encore, nous en avons commencé la diffusion le 21 mars dernier. Vous pouvez donc retrouver les premiers chapitres à la page consacrée à Mazas à mazas3lavenir.canalblog.com. Le 7 et le 14 mars, nous avons publié la version audio d'article du Progrès de l'Est du 8 septembre 1883. Pour ceux qui douteraient encore de l'intérêt de la chose, Le Progrès de l'Est est une fenêtre sur le passé, sur la vie quotidienne de nos arrière-arrière-grands-parents, la petite histoire imbriquée dans la grande histoire. Il ne peut manquer d'intérêt pour les historiens et les généalogistes amateurs comme professionnels, non plus que pour quiconque doté d'une saine curiosité. D'autant que, pour chaque article, je cite les patronymes et les endroits mentionnés dans le billet d'accompagnement. Pour tous ceux et celles qui veulent savoir d'où l'on vient, je vous encourage vivement à visiter Progrès de l'Est en un mot, .canalblog.com. Projet Edgar Poe. C'est le statu quo. Aussi, si vous voulez prêter votre voix au projet, n'hésitez pas. Il suffit de me contacter à terran932@yahoo.com. Au cours de mars, j'ai reçu les enregistrements de mes deux acolytes du PC Show avec Paul Courtemèche. Un nouvel épisode de notre comédie des situations est donc en préparation. Bonne nouvelle pour notre web radio sur Radionomie. À la mi-mars, je recevais un courriel de Michael Bolton de VTuner m'annonçant que dès début avril, elle apparaîtrait dans la base de données de VTuner. VTuner est un répertoire de radio web, de télé web, de podcast. Sa particularité principale est d'être l'interface qui permet à nombre d'appareils de salon télé, lecteur Blu-ray, etc., d'accéder à ce contenu. Pour vous donner une idée de ce dont je parle, je vous invite à visiter leur site à vtuner.com. Je rappelle en terminant que l'émission que vous écoutez est disponible sur la page qui lui est consacrée sur Canal Blog à l'avenirpodcast.canalblog.com, ainsi que sur SoundsMap à sound-map.com/fr/ édition, au pluriel et sans accent, -la-venir. Sur Podcast France, podcastfrance.fr/les-édition, sans accent, -de-la-venir-le-podcast. Et en transition sur Podomatic, l'espace étant compté toujours, à l'avenir-podomatic.com. Vous pouvez nous retrouver également sur Twitter à twitter.com/l'avenir audio ainsi que sur Google Plus sous Christian Martin. Nous sommes également sur Pinterest à pinterest.com/l'avenir audio. Et voilà, ainsi se termine cette sixième émission de la deuxième série. Rappelons enfin que vous retrouverez toutes nos productions audio à l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.